Les Sport News, chaque week-end sur Énergie. Et merci d'être avec nous pour une nouvelle page de sport. Nous allons retrouver bien sûr tous les résultats du week-end. De nombreux invités ce matin viendront nous rejoindre. Les Sport News, c'est reparti, premier week-end naturellement de la reprise. Merci d'être avec nous, il est très exactement 10h. Dans la course avec les Sport News sur Énergie. Et voici les Sport News, merci d'être avec nous. Sport News. Et on commence par quelques résultats de football en Ligue 1. Et bien lourde défaite du LOSC face à Monaco 1-4. Monaco est en tête du championnat. En Ligue 2, et bien match nul au Havre pour Valenciennes 2-2. Ce week-end, et bien a lieu le troisième tour de la Coupe de France. Quelques rencontres à suivre. On ne peut pas tout énumérer, elles sont nombreuses en début de Coupe. Saint-Martin-Boulogne, et bien ira à Niel-les-Bléquins. L'Imbre ira à Liévin-Diana. Hasbrouck reçoit en Canémine. Neuchâtel se déplace à la Sky. Et le stade Portelois, eh bien, sera face à Campagne Léguine. L'équipe du Portel, eh bien, apprécie la Coupe de France. L'entraîneur du stade Portelois, Fabien Dagneau. Oui, la Coupe de France, on y tient tous parce que c'est ce qui met une bonne dynamique au sein des équipes amateurs. Elle permet de consolider le groupe, de vivre des expériences et des aventures ensemble. On a eu, nous, la chance de faire un 32e il y a quelques années qui a permis au groupe de continuer après dans la continuité à faire de meilleurs championnats. Maintenant, voilà, attention, là, je dis toujours à mes joueurs, la Coupe de France est une belle maîtresse, mais elle peut jouer parfois des tours. Pour terminer, si on devait te demander trois adjectifs pour présenter ta nouvelle équipe pour cette saison? Alors, je dirais solidarité, détermination et le troisième, naïveté. Voilà, donc c'est dit, et puis prochainement, naturellement, nous les retrouverons pour le championnat. Toujours en Coupe de France, eh bien, l'USSO fera le déplacement à l'Étrenne, c'est le premier tour hein, pour Saint-Omer également, tout comme le Portel. L'USSO espère refaire un aussi beau parcours en Coupe de France par rapport, bien sûr, à l'année dernière. L'entraîneur Christophe Mersman. Oui, ben, ça fait surtout, on va dire, 2 ans. Il ne faut pas oublier qu'avec Sylvain Jean, on avait été en 32e et on a été éliminé par Croix. L'année dernière, ma 32e avec Jérôme. Alors j'espère faire cette expression de jamais 203, mais voilà, on va essayer de s'atteler à passer les tours les uns après les autres en fonction du tirage, parce que la Coupe de France ça reste aussi vraiment aléatoire en fonction des tirages. Mais voilà, si on peut passer les tours les uns après les autres et déjà atteindre le 6e tour, ce sera déjà très bien. Objectif en Coupe et objectif en championnat pour terminer. Faire mieux que mes deux prédécesseurs et amis Sylvain Jean et Jérôme du titre, alors on va dire en 16e, mais bon, voilà, non, c'est des doux rêves. Par contre, en championnat, c'est d'essayer de bien figurer et puis de pouvoir se fixer des objectifs hauts dans les 5 derniers matchs du championnat. Voilà donc Coupe de France hein, pour Saint-Omer et Coupe également pour Gravelines qui sera face au Touquet. En championnat, eh bien, cette année, c'est une remontée espérée de grand cœur pour Gravelines et aller bien sûr le plus loin en Coupe de France. De gros souhaits hein, pour Gravelines cette année, le gardien Alexis Magnier. Bon, on peut souhaiter à l'US Gravelines tout simplement que cette saison se passe mieux que l'année dernière. Et bah pourquoi pas de remonter en division honneur dès cette année, sachant qu'il y a 2 voire 3 montées. Je pense que si on peut remonter dès cette année, on le fera. Troisième tour de Coupe de France? Bah, la Coupe de France, hein, comme tout le monde le sait, c'est jamais évident. Chaque match est difficile, que l'adversaire soit au-dessus de nous ou en dessous de nous. Donc bah, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est d'aller le plus loin possible en Coupe de France et puis de faire vibrer l'ensemble de la région. Et puis surtout nous qui avons bien besoin de redorer un peu le blason par rapport à notre saison dernière vraiment très très délicate. Et on l'espère de tout cœur. Et puis hier, la Ligue du Nord eh bien, a dit oui pour la fusion avec la Picardie. 86% des dirigeants des clubs amateurs eh bien, ont validé la fusion avec la Picardie conduite par Fernand Duchossois. Et puis en football, toujours, avant de passer au basket, eh bien, en D2 national, première journée du championnat pour les filles de l'USBC au Saint-Léonard qui débute par Reims. En basket, le BCM eh bien, a remporté pour la 4e fois consécutive la finale de la Delcy Cup. C'était hier soir, après avoir battu Boulogne hier 83-61. Fernando Raposo, nouvelle recrue du BCM, eh bien, donne sa réaction après match au micro de Quentin. Je pense qu'en première mi-temps, on était un peu en dedans, on n'était pas dans le rythme défensivement, mais après, on s'est ajusté à la mi-temps et je pense qu'on a gagné parce qu'on a été plus intense ce soir. Bientôt la reprise du championnat pour vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes préparé à cette reprise? Préparé, oui et non, on n'est pas encore là où on voudrait être, mais ça commence, on monte progressivement, donc je pense dans 2 semaines, ça devrait aller. Qu'est-ce qui a fait les points forts justement de votre soirée ce soir quand on vous a vu avec ce score étonnant? Bah d'abord, en première mi-temps, on n'a mis aucun shoot, en deuxième mi-temps, on les a mis parce qu'ils nous ont donné beaucoup de shoots à 3 points. Et je pense surtout après en défense, on est monté en intensité. Donc je pense que c'est ça qui a vraiment fait la différence ce soir. Parce qu'en première mi-temps, on leur donnait trop de shoots faciles. Et voilà, je pense que c'est vraiment la défense ce soir. Voilà, Fernando Raposo, très heureux de le retrouver, ancien joueur de Boulogne qui a signé maintenant, vous savez, au BCM. La cagnotte est là, et bien a atteint un record avec 10 800 euros récoltés donc lors de cette Delcy Cup. Bravo pour tout. Et pour le dernier match de prépa avant le championnat, le SSM eh bien, s'est incliné face à Bruxelles sur le score de 72-73. Un résultat donc sur le fil. Et puis j'oubliais qu'il y a également eh bien, une réaction hier pour la Delcy Cup de l'entraîneur Germain Cassano. Week-end de prépa, hein, puisque c'est également pour lui un week-end de préparation avant la reprise du championnat. Non, mais c'est pas une déception parce qu'on était venu pour faire un gros week-end de travail. Et très honnêtement, ce week-end, il a été. Voilà, déjà c'était inespéré de faire la finale contre Gravelines. D'avoir fait un match très correct hier contre Ostende, ça nous a permis de jouer contre Gravelines et jouer contre des grosses équipes comme celle-ci, pour nous c'est un luxe, hein. Faut pas oublier qu'on est en Pro B. Et jouer contre une équipe comme Gravelines, c'est vraiment bien. On a proposé une mi-temps contre Gravelines vraiment intéressante, où on encaisse seulement 31 points sur la mi-temps. Après, bien sûr qu'on est perfectible et bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est normal, c'est notre troisième match, on est en pleine préparation, on est fatigué, il peut y avoir plein d'excuses. Et il y a aussi beaucoup de talent, il y a plus de talent à Gravelines que chez nous. Et à un moment donné, et le talent et la dimension athlétique a fait la différence sur la deuxième mi-temps. Mais on s'est quand même créé 20 tirs ouverts sur le match contre cette équipe qui défend très très bien. Voilà, je suis très satisfait du week-end parce qu'on était venu ici pour travailler et je peux vous dire qu'on a bien bossé. Bientôt la reprise du championnat, comment on se sent après cette défaite? Il nous reste encore un peu de temps, mais on sent bien, je trouve qu'on progresse match après match, donc ça c'est la priorité. Le but du jeu c'est que chaque match, sur les matchs amicaux, sur chaque match, on puisse sentir qu'on progresse, et là je trouve qu'on progresse. Donc pour moi c'est une satisfaction. Après, quand les championnats arrivera, oui, on parlera plus de résultats et on sera concentré sur les matchs qu'il faut prendre absolument. Voilà, un entraîneur heureux donc. Et Henri Coquet, eh bien le tirage au sort de la Coupe de France a eu lieu, le SCRA se déplace le 10 décembre à Aix-les-Bains en Coupe d'Europe, eh bien pour les 6e de finale, les 16e de finale, eh bien, ils auront devant eux RB en Angleterre face au club de Soham. Et le 5 novembre, match retour le 26 novembre. Bravo aux U17 qui sont montés sur le podium à la 3e place. Ils battent les Allemands. Belle médaille de bronze donc pour les U17 du SCRA. Un mot de handball. Hier soir, eh bien, suite des matchs de prépa à Hasbrouck pour l'USDK, Dunkerque a battu Ivry 29-26, place au championnat dans quelques jours. Aujourd'hui et fin du trail, 10e trail de la Côte d'Opale, arrivée du dernier coureur des 62 km, ce sera tout à l'heure à 17h30, plus de 7000 participants devant et durant le week-end, parcours musclé aujourd'hui, 21, 31, 42 et le plus long 62 km, et à 10h30, eh bien, c'est Fabrice Bouy qui sera notre invité de la Team Trail Audomaroise. Et puis en bref, pour terminer, c'est Saint-Martin, les Tatinghems, week-end de sport, c'est la fête du sport qui continue, le week-end prochain à Ardelot, grosse concentration de Harley, et on va atteindre les 5500 bikers. À Vimereux, troisième étape des NG Sky Tour ce week-end, à suivre et à surveiller le jeune Victor Debloch. Et puis sachez eh bien, que hier a eu lieu à Sénéo le premier roller dancing, opération réussie, beaucoup de monde pour ce premier rendez-vous et les jeunes bien sûr sont prêts pour le deuxième. On termine avec les réactions des jeunes. Bah moi j'aime bien, la musique est bien mais c'est un peu difficile pour moi, mais bon. Ah, parce que tu sais pas patiner? Non, je sais pas. T'as pas encore appris? Non, bah je suis en train en fait. Il perd un peu le kick, mais moi ça va, ça passe. Au début je tombe souvent, mais là ça va mieux. Bah c'est bien, il y a de l'ambiance. Le DJ fait changer de sens, il fait des amusements, et je trouve ça bien. Et pour une fois ça c'est Néo. Et la musique est bonne? Ouais, bah il y en a que j'aime pas, mais bon. Après, les autres, il y en a bien que j'aime, il y en a que j'aime pas, et c'est très bien le roller. Et t'aimes quoi alors comme musique? Comme Soprano qui a mis, aussi Michael Jackson, il y en a mis une, et plein d'autres, mais tellement que j'en aime, je peux pas trop les dire. Sport News. Toute l'info sportive du Nord Littoral avec JF. Sport News vous a été présenté par votre agent général AXA Assurance Bertrand d'Ambricourt, place Foch à Saint-Omer. Hola. Hola, les Sport News, l'essentiel du sport sur Énergie. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson,

sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Merci d'être avec nous dans les Sport News. C'est la reprise, hein. Si vous venez de vous réveiller après la grasse mat, vous avez entièrement raison. C'est boulot demain, n'oubliez pas. Fabrice Bouy, eh bien, qui participe au trail de la Côte d'Opale, sera notre invité dans un instant et membre également de la Team Trail Audemars. On le retrouve dans un instant sur NRJ. Vous serez les premiers à avoir le téléphone que tout le monde veut. Le nouvel iPhone, l'iPhone 7. Vous gagnez en plus un MacBook Air. C'est le pack Énergie Apple. Dès que vous entendez le double hit. Hey, this is DJ Snake. Avec Justin Bieber. Et DJ Snake à la suite. Soyez les premiers à appeler. NRJ. 3937. Et vous gagnez le pack Energy Apple. Avec l'iPhone 7 et le MacBook Air. NRJ. Numéro 1 sur les hits. Pop, R&B, dance. Du 9 au 11 septembre, ce sont les jours sensationnels chez Conforama. Profitez de 100 euros offerts en bon d'achat pour 500 euros d'achat en meubles, déco et électroménager. 100 euros offerts! Eh oui, je sais, c'est sensationnel. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Sephora, vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma? Make Up For Ever a créé la gamme Ultra HD, fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Make Up For Ever, un mini rouge à lèvres Artiste Rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Make Up For Ever, en exclusivité chez Sephora et Make Up For Ever. Sephora, au cœur de la beauté. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Tout chaud. Été indien, Radiateur programmable. Économie d'énergie. Facture réduite. Prix chaleureux. 79 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Radiateur à inertie sèche 1000 watts avec double cœur de chauffe pour restitution progressive de la chaleur à seulement 79 euros. Éco-participation incluse. Arrivage en quantité limitée à partir du 9 septembre dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à deux fois moins cher. Je me lance! Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Ce mois-ci, la TVA s'est pris une bonne gaufre chez Sokouk. Du 7 au 30 septembre, Sokouk vous offre la TVA sur toutes ses cuisines équipées. Adieu TVA, cette fois c'est cuit pour toi. Cuisine Sokouk. Concoctons ensemble votre cuisine. Sokouk, 120 magasins de cuisine équipés 100% fabriqués en France, à retrouver sur sokouk.com. Le happy 55e anniversaire Auchan continue. Ah, pourvu qu'il y ait une console en promo. C'est bien pour l'offrir à notre ado. Oui, oui, bien sûr. Jusqu'à mardi, chez Auchan, la console Xbox One 1 Tera est à 299 euros. En plus, avec votre carte Auchan, 100 euros sont crédités sur votre compte Wahoo. Ça fait 199 euros cagnotte déduite. On peut lui en prendre une, hein, chérie. Et profitez-en aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Ton 21 centimes d'éco-participation, quantité limitée à 4000 consoles, voire conditions sur Auchan.fr. Énergie, ma radio, ma ville, dans l'Audomarois, 102.3. Et si on sortait, laissez-vous enchanter par la Barcarolle. La Comédie de la A et le Centre culturel Balavoine fusionnent pour la Barcarolle. Rendez-vous le vendredi 16 septembre à 18h à la salle Vauban de Saint-Omer pour le lancement de la saison 2016-2017 suivi d'un concert exceptionnel. Le concert Mozart avec 73 musiciens du chœur Accentus et l'orchestre Insula Orchestra. Musique, danse, théâtre, cirque, arts plastiques, humour, spectacle jeune public, plus de 74 spectacles et 145 représentations dans l'Audomarois. Info et raisin sur labarcarolle.org. Pour booster vos ventes grâce à la première radio de l'Audomarois, contactez la régie publicitaire d'énergie 03 21 38 17 17 03 21 38 17 17. Mardi 13 septembre, redonnons le pouvoir aux candidats qui recherchent un emploi en alternance. La mission locale de Saint-Omer vous invite à la matinée de l'alternance. Soit 100 offres à pourvoir dans de nombreux domaines. L'agriculture, la restauration, le commerce, le bâtiment et l'industrie ou encore l'artisanat et service à la personne. Ce mardi 13 septembre de 9h à 13h, ne manquez pas la matinée de l'alternance à la mairie de Saint-Martin-les-Tatinghem, place Cotillon-Belin. Pensez à prendre votre CV. L'actu, c'est aussi sur Énergie. Communiquez gratuitement sur Énergie tous vos événements. Associations, sportifs, particuliers, envoyez-nous vos infos sur studio@energienordlittoral.fr. Énergie, partenaire de vos manifestations. Rejoignez Énergie sur Snapchat. Énergie, la radio numéro 1 sur les réseaux sociaux. Tu as vu la nouvelle ligne? La ligne de quoi? La ligne 7, la nouvelle ligne de bus Mouvéo. Ah bon? Avec un nouvel arrêt juste à côté de chez nous en plus. Ah super, je savais pas. Eh oui, Mouvéo évolue. À partir du 1er septembre, vous aussi profitez de plus de lignes, plus d'arrêts et plus d'horaires. Le nouveau guide horaire est disponible au point accueil Mouvéo, 3 Place Foch à Saint-Omer. Mouvéo, on a plus que les transports en commun. Quand vous pensez à Vichy... Hey guys, this is Avicii and you're listening to Radio Energy. Pensez énergie. Énergie, it's music only. Rejoignez énergie sur Instagram. Instagram. Énergie, la radio numéro 1 sur les réseaux sociaux. Music only. Salut, je m'appelle Tom Mfekani, joueur du Scra et j'écoute Sport News sur Energy. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Toute l'actu sportive et réaction à chaud dans les Sport News. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin. Vous nous écoutez sur le 102.3 à Saint-Omer et aussi sur le 102.2 à Boulogne-sur-Mer et sur toute la Côte d'Opale. D'ailleurs, on va y rester sur la Côte d'Opale puisqu'aujourd'hui, nous allons partir du côté du trail de la Côte d'Opale. La course qui a démarré évidemment ce vendredi à 20h30 et j'ai avec moi ce matin Fabrice Bouy de la Team Trail Audomarois. Fabrice, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin. 10e trail de la Côte d'Opale, dont 8 pour vous et 62 km à parcourir. Comment se sent-on à l'approche de cette course ? Je me sens bien, un peu angoissé, un peu stressé. Quelle ville allez-vous traverser ? Il y a quand même 62 km, c'est quand même énorme. Le départ se fait de la plage de 800, direction le Cap Blanc-Nez. Puis on va jusque Sangatte pour revenir sur Herbelingan. Puis on revient sur 800, direction Audrecelles, en Bleuteuse. Alors justement, quels sont les entraînements à effectuer pour un tel parcours ? J'imagine que ça va être quand même un entraînement du tonnerre. Oui, c'est beaucoup d'entraînements. C'est 5 entraînements par semaine, plus de 100 à 110 km par semaine. Donc beaucoup de routes, beaucoup de chemins, des entraînements sur le Cap Blanc-Nez ou le Cap Griné, beaucoup de chemins à faire. Au départ d'une course, est-ce qu'il vaut mieux partir en courant pour être sûr de passer devant tout le monde ou est-ce qu'il vaut mieux partir en marchant ? Bah, il faut prendre son allure qu'on a décidé de faire aux entraînements. Moi, ça sera du 6 minutes au kilo sur la plage de 800 au Cap Griné. Puis après, bon, les montées, les sommets, les difficultés, on les gère. S'il faut marcher, on marche. Et justement, quels incidents redoutez-vous le plus sur un parcours d'une telle ampleur ? Bah, les incidents, c'est la blessure, la chute, la fatigue aussi. C'est beaucoup de choses à gérer. Il faut s'alimenter, il faut boire beaucoup. Vous qui avez quand même 8 ans d'expérience dans le trail de la Côte d'Opale, y a-t-il des morceaux du parcours justement qui sont plus difficiles que d'autres ? Oui, il y a beaucoup de difficultés. Il y a le sommet du Cap Blanc-Nez, le sommet des Noirmottes, le sommet du Mont Rôti, le sommet du Mont du Couple, etc. Il y a beaucoup de difficultés à franchir. Les dunes du Slack, ça c'est très dur aussi à franchir, les dunes du Slack. Et la traversée du Slack aussi. Puis après, c'est les falaises d'Audrecel au Grinet. Ça c'est pas évident non plus s'il pleut. Alors est-ce qu'il faut se méfier de la marée justement, puisque vous allez passer sur la plage? La marée c'est un problème aussi. Si la marée elle est haute, la Slack on est obligé de le traverser en barque. Si elle, la marée est basse, on peut la traverser, il n'y a pas de problème. C'est de l'eau jusqu'au mollet, donc ça passe quoi. Fabrice, merci d'avoir participé ce matin à ces Sport News. Oui, de rien, je vous remercie. Alors on peut vous souhaiter quoi justement pour cette course? Bonne chance, ainsi qu'à mes deux amis, Xavier Dassonville et Hervé Daïko. Alors il y a peut-être une page Facebook pour vous contacter? Oui, il y a une page Facebook, le Team Trail de Marois. Et pour les entraînements, c'est le jeudi soir à 18h45 sur le parking de la Maison du Marais. Merci beaucoup Fabrice, tout de suite retour à la musique. Les Sport News continuent jusqu'à 12h. Les Sports News, chaque week-end sur Énergie. Tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts, mais j'ai mes qualités.

Maintenant, sur Énergie. Sur Énergie. Sport News. Vous êtes la meilleure radio de France, je vous aime. Hit. Only. This is Christian the band Coldplay, and you're listening to Energy. Energy. Just sent from above. News Energy, notre invité du week-end. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin. C'est la fête du sport. Ce sera mercredi 14 septembre. C'est au collège d'Espascal. Et pour nous en parler, eh bien, ce matin avec nous, nous avons Olivier Fournet. Olivier, bonjour. Bonjour Jean-Francis. Léane également sera avec nous tout à l'heure. Tu peux la présenter ? Bah, Léane, c'est une élève de 3e qui participe activement à notre association sportive. On va la retrouver dans un instant. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la fête du sport ? La fête du sport, c'est un événement réglé par l'UNSS, c'est-à-dire l'Union Nationale du Sport Scolaire. Chaque établissement scolaire dispose d'une association sportive et va promouvoir mercredi le sport au sein de son collège ou de son lycée. Donc à Blaise Pascal, de 8h à midi, nous allons initier les élèves de 6e nouvellement arrivés dans l'établissement au sport et aux valeurs du sport scolaire à travers 3 sports, les activités de pleine nature, le foot et le badminton. C'est une association sportive dans un collège ? C'est une association sportive dans un collège, comme il existe l'USSO, la JSL, il y a l'association sportive du collège Blaise Pascal. L'objectif est simple, a été défini avec les nouveaux chefs, M. Sterkman et M. Doro, nouvellement arrivés, et qui dirigent le collège, à savoir promouvoir le sport scolaire, permettre grâce au sport d'acquérir des valeurs citoyennes, donner l'envie aux enfants de faire du sport, par le biais de l'entraînement, du plaisir et un petit peu de la compétition. C'est une grosse association au sein de ton collège ? C'est une grosse association. Pour, à titre de chiffre, il y a à peu près 490 élèves au collège Blaise Pascal et il y a 250 élèves, inscrits à l'association sportive du collège Blaise Pascal. Léane, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu as décidé de participer à cette... du sport, tu vas faire quoi ? Le matin, je vais aider les nouveaux à jouer au badminton, donc les aider à tenir la raquette, servir et puis leur apprendre le badminton. Alors toi qui es sportive, ça représente quoi justement cette aide du sport dans ton collège ? Aider ceux qui aimeraient essayer. Qu'est-ce qu'on peut essayer ? Qu'est-ce que tu vas leur conseiller ? De se lancer parce que c'est super et ça donne quelque chose en plus du collège. Alors toi, tu es une grande sportive ? Oui. Tu fais quoi ? La gym et le badminton. J'avais oublié le badminton. Tu fais du championnat, tu es partie d'une équipe. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce que tu prépares, ce que tu as envie de faire et aller jusqu'au bout dans le sport, dans la gym ? Je fais les championnats de France de gym en équipe. Donc c'est bien parti. Oui. Léane, merci beaucoup. On rappelle, 14, un rendez-vous à ne pas rater puisque tu vas accueillir tous les ceux qui ont envie de découvrir le sport et ton sport, plus précisément peut-être. Oui. Merci à toi. Merci. Olivier, pour terminer, on rappelle, c'est le 14 septembre, c'est mercredi, ce sera donc au collège Blaise Pascal, c'est la grande fête du sport et tout le monde est attendu ? Voilà, tout le monde a attendu, les anciens licenciés, donc les 250 élèves dans les trois disciplines et au matin, vraiment, l'éducation au sport et aux valeurs du sport scolaire avec une initiation sportive pour les élèves de 6e. De 8h à 10h et de 10h à midi. Le rendez-vous est pris, merci à vous deux. Tout de suite, retour à la musique sur Énergie. Rendez-vous des sports naturellement, c'est jusque 12h et c'est sur Énergie. Salut à tous, c'est François Brouard, joueur de Saint-Quentin-Blessis et j'écoute les Sports News sur Énergie. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar in. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Pink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Merci d'écouter les Sport News, il est 11h. Dans la course avec les Sport News sur Énergie. Et merci d'être avec nous, c'est parti pour une nouvelle page. Sport News. Le sport. Et on commence tout de suite eh bien, par du football en Ligue 1. Quelques résultats, lourde défaite hein, du LOSC hier face à Monaco, 1-4. Monaco est en tête du championnat. En Ligue 2, eh bien, match nul, au Havre pour Valenciennes, 2-2. Toujours en football et en D2 national, eh bien, première journée de championnat pour les féminines de l'USBC au Saint-Léonard, eh bien, qui débutent leur championnat. Et ils seront face à Reims en Coupe de France. Eh bien, c'est un week-end de Coupe de France, c'est donc le 3e tour. Quelques rencontres à suivre. Arnec qui reçoit Isberg, Saint-Léonard ira à Bourinville, Dèvres reçoit Esquelbecq, et Étaples bien fera un court déplacement à Ambleteuse. Air-Solalis se déplace à Calonne. Du côté de la DH, eh bien l'USSO fera le déplacement à l'Étrenne. C'est le premier tour également de la Coupe pour l'USSO. Saint-Omer espère bien sûr refaire un aussi beau parcours que l'année dernière. Christophe Merseman, l'entraîneur de Saint-Omer. Oui, ben, ça fait surtout, on va dire, 2 ans. Faut pas oublier qu'avec Sylvain Jean, on avait été en 32e et on a été éliminé par Croix. L'année dernière, ma 32e avec Jérôme. Alors j'espère faire cette expression de jamais 203, mais voilà, on va essayer de s'atteler à passer les tours les uns après les autres en fonction du tirage, parce que la Coupe de France, ça reste aussi vraiment aléatoire en fonction des tirages. Mais voilà, si on peut passer les tours les uns après les autres et déjà atteindre le 6e tour, ce sera déjà très bien. Objectif en Coupe et objectif en championnat pour terminer. Faire mieux que mes deux prédécesseurs et amis Sylvain Jean et Jérôme Dutitre. Alors on va dire en 16e, mais bon, voilà, non, c'est des doux rêves. Par contre, en championnat, c'est d'essayer de bien figurer et puis de pouvoir se fixer des objectifs hauts dans les 5 derniers matchs du championnat. Et puis, du côté du Stade Portelois, eh bien, là également, premier rendez-vous de Coupe de France, et ils seront face à Campagne Leggings. Ce sera tout à l'heure à 15h. Beau match donc à suivre. L'équipe de Portel, eh bien, apprécie la Coupe de France. L'entraîneur Fabien Dagneau. Oui, la Coupe de France, on y tient tous parce que c'est ce qui met une bonne dynamique au sein des équipes amateurs. Elle permet de consolider le groupe, de vivre des expériences et des aventures ensemble. On a eu, nous, la chance de faire un 32e il y a quelques années qui a permis au groupe de continuer après, dans la continuité, à faire de meilleurs championnats. Maintenant, voilà, attention, là, je dis toujours à mes joueurs, la Coupe de France est une belle maîtresse, mais elle peut jouer parfois des tours. Pour terminer, si on devait te demander 3 adjectifs pour présenter ta nouvelle équipe pour cette saison. Alors, je dirais solidarité, détermination et le 3e, naïveté. Voilà donc le Stade Portelois qui va jouer face à Campagne Leggings du côté de Gravelines. Et bien Gravelines hein, qui a eu pas beaucoup de chance hein, la saison dernière, sera face au Touquet en championnat cette année. Et bien une remontée espérée de grand cœur, et on leur souhaite également pour Gravelines, et aller le plus loin en Coupe de France. Alexis Magnier, le gardien de Gravelines. Bon, on peut souhaiter à l'US Gravelines tout simplement que cette saison se passe mieux que l'année dernière. Et bah pourquoi pas de remonter en division honneur dès cette année, sachant qu'il y a 2 voire 3 montées. Je pense que si on peut remonter dès cette année, on le fera. 3e tour de Coupe de France. Bah, la Coupe de France, hein, comme tout le monde le sait, c'est jamais évident. Chaque match est difficile, que l'adversaire soit au-dessus de nous ou en dessous de nous. Donc, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est d'aller le plus loin possible en Coupe de France et puis de faire vibrer l'ensemble de la région. Et puis surtout nous qui avons bien besoin de redorer un peu le blason par rapport à notre saison dernière vraiment très très délicate. Et on leur souhaite bien sûr en ring coquet et bravo aux U17 hein, qui sont montés sur le podium à la 3e place. Donc médaille de bronze en battant les Allemands. Belle médaille hein, pour l'équipe du SCRA au championnat d'Europe. C'était bien sûr hier soir. En basket, eh bien, le BCM a remporté pour la 4e fois consécutive la finale de la DLC Cup après avoir battu Boulogne hier 83-61. Pour Alexandre Moisy, nouvelle recrue de Boulogne, eh bien une déception malgré cette rencontre qui reste bien sûr un match de prépa. Grosse déception, oui, parce que défaite, donc personne n'aime perdre, mais sinon c'est quand même un week-end pour travailler. On a bien travaillé sur le premier match, on a fait du bon boulot. Là sur la première mi-temps on fait du très bon boulot, et après en deuxième mi-temps on lâche un peu. Ce qui nous a manqué, ils ont été meilleurs, hein, c'est une équipe de pro déjà à la base, donc ils ont beaucoup de talent. Et ensuite voilà, à la fin on a vraiment, le deuxième mi-temps n'a pas été bonne, on était en retard et ils ont mis beaucoup de shoots, et voilà. Comment se sent-on à l'approche du championnat après une défaite comme ça? Une défaite comme ça, ça nous permet de donner un axe de travail, à entraînement, et du coup je pense que voilà, on a quand même une grosse marge de progression, donc on est tous excités, même si on a perdu, on est tous excités par la reprise du championnat.

croise, viens un peu. Si tu me parles, viens un peu. Si tu me touches, viens un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Réactions et commentaires à chaud, c'est dans les Sport News. Merci d'être avec nous dans les Sport News ce matin. On va partir à Étaples pour rejoindre Stéphane Maillard qui est avec nous, qui est donc le responsable des événements importants donc du côté d'Étaples. Stéphane Maillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, le dimanche 18 septembre aura lieu la première balade qui sera donc culturelle, sportive et gourmande. Comment peut-on mélanger les trois à la fois ? C'est-à-dire que c'est vraiment la première fois qu'on va proposer ce type d'animation qui va vous permettre en fait de découvrir trois types d'activités au travers d'une balade. C'est-à-dire qu'on va commencer de la baie de Canche pour visiter un espace naturel, pour ensuite partir à pied. Donc il va y avoir une belle marche on va dire un peu sportive, pour rejoindre le centre Maraïs, qui est le centre de découverte de la pêche en mer, où on va aussi profiter d'une petite dégustation culinaire. Et puis il va y avoir des étapes tout au long d'un parcours pour découvrir le patrimoine historique, le patrimoine maritime, découvrir l'histoire d'Étaples aussi au travers des camps militaires qui ont marqué l'histoire locale. Voilà, enfin, il y a toute une visite où on va un peu remonter le temps et finir au point stratégique où avait été mis en place le château d'Étaples. Sport modéré, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Tout à fait. On va dire que c'est un sport qui se présente un peu sous une forme de grande marche, randonnée, au travers de toute la ville. Un parcours difficile, un parcours compliqué ou un parcours plus culturel et de découverte ? Ah non, c'est vraiment un parcours très équilibré. C'est pas des grands sportifs, c'est surtout on parle de sport parce qu'on va faire une marche qui va faire la traversée de la baie de Canche jusqu'à l'autre extrémité de la ville. Donc c'est vrai qu'on fait un bon parcours de 2 à 3 kilomètres, mais c'est pas quelque chose d'ultra sportif. Mais ça reste quand même une marche où ça demande un tout petit peu d'endurance. Vous nous proposez également de beaux paysages, on peut pas dire le contraire. Les paysages de la Côte d'Opale sont magnifiques et celui de la baie de Canche est exceptionnel puisqu'on est situé quand même sur une réserve naturelle. Donc c'est vraiment l'occasion de la découvrir, et puis en plus ça sera marée haute, donc avec de fortes marées, donc c'est vraiment un paysage exceptionnel à découvrir. On rappelle, c'est un lieu, un rendez-vous, donc qui aura lieu à quel endroit, et peut-être un numéro de téléphone pour réserver ? Tout à fait, donc en fait les réservations se font directement au service événementiel de la ville, donc le numéro de téléphone c'est 03 21 89 62 72, et puis le lieu de rendez-vous, donc ça sera le dimanche à partir de 11h30, à la maison de la nature et de la baie qui est située juste en face de la baie de Canche. Et les inscriptions sont à faire au préalable au service événementiel, c'est uniquement sur réservation. Voilà, on invite tous les Boulonnais à venir donc près de Étaples, également les Audomarois à venir se déplacer, découvrir le beau paysage. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. Et rendez-vous le 18 et 7 septembre. Exactement, bonne journée à vous. Merci à vous, tout de suite retour à la musique sur NRJ. Bon week-end. Les Sport News, l'essentiel du sport sur NRJ. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. The one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see it. Just a sign that you're not at the wrong.

Let's go. Énergie. Énergie. Numéro 1. Numéro 1. Pour les nouveaux hits. Are you ready? Are you ready? Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Midi, le week-end, place au sport. Et c'est déjà fini. Et oui, c'est la fin de ce premier week-end de sport. Grand retour sur des Sport News. Merci de nous avoir suivis. Dès le week-end prochain, nous serons dès samedi eh bien, à Saint-Martin-Boulogne pour parler du Vital Sport. Grand rendez-vous de tous les sportifs. Nous aurons bien sûr autour de notre table beaucoup d'invités. Et puis naturellement, passez une bonne semaine. Merci à Quentin pour la technique. Et puis excusez-moi encore d'avoir fait souffrir tous nos invités. Bon week-end et à très bientôt. Salut, je m'appelle Tom Mfekani, joueur du Scra, et j'écoute Énergie sur... Ah merde, j'écoute les sports nus sur Énergie. Salut, je m'appelle Jivan Sitchilambo et j'écoute les... Et j'écoute Énergie sur... Ah merde. Salut, c'est Maxime Beaumont, vice-champion olympique de kayak. Merde. Attention, ça tourne. Salut, c'est Kevin Mendy, joueur au SOMB Boulogne, ailier, et j'écoute les Info News. Non. Sport. Sport News. Tu recommences. Pardon. T'as des étudiés, mec. Tous les ans, j'ai le droit. Tous les ans, tu as le droit. Salut, c'est Kevin Mendy, je suis Eli et il est fort au SOMB. J'écoute Espoir News sur Énergie. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Watch out! I don't drink coffee, I take tea, my tea.